Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, et je prends le temps de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Donc merci bien à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup également aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick. Il y a CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa. Et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie en Ontario. Envoie 91 Saint-Boniface au Manitoba. CFRG Gravelbourg au Saskatchewan. CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Bien sûr, commentaires, suggestions, même contact d'artistes francophones. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Voilà. Allons-y avec la deuxième partie du bloc de l'Est Québec-Ontario, avec tout simplement un peu de jazz. Et oui, sur ma page Facebook, vous allez voir un lien pour le vidéoclip de la chanson L'embuscade de Janie René. Donc, on va l'entendre dans quelques instants, bien sûr. Par la suite, on va entendre encore un peu de jazz, folk, pop. Il s'agit de Tes lunettes roses de la charmante Annie Comtois. Et on va terminer ça avec un peu de gospel, pourquoi pas, avec la pièce Tout a changé de Ferline Regis, elle est de la région de la capitale nationale, Ottawa. Mais pour commencer, allons-y avec Janie René de l'Est de l'Ontario. Voici l'embuscade. Mon cœur est un homme mal, un peu bohémien. âme s'éveille. Le soleil brille dans tes yeux, mes petits gestes t'émerveillent. Ton cœur brûle de nouveau feu, une lumière émane de toi. Mes rires sonnent dans ta musique, une étincelle dans ta voix. Égaye ma vie poétique, avec tes lunettes roses, tu chasses mes idées moroses. Papa, pala papa, la joie d'idose, avec tes lunettes roses. Mon bonheur est dans ta mire, ton sourire me va à ravir. Toujours là à mon appel, tu dépoussières ta guitare. Rigolade, voix s'entremêle, je m'enchante de tes histoires. Je veux vivre dans un manège, tu souris au temps qui passe. La routine me prend au piège, tu me sauves de mes impasses. Avec tes lunettes roses, tu chasses mes idées moroses. Papa, papa, la joie en petite dose, avec tes lunettes roses, yeah. Papa, papa, mon bonheur est dans ta mire, ton sourire me va à ravir. Oh, oh, papa, on n'a pas toujours échangé des mots avec complicité. Oh, oh, papa, tes yeux s'expriment avec. Je pardonne aux mauvais jours. Papa, para papa. Papa, para papa. Papa, para papa. Papa, para papa. Tu déposes mes secrets dans ton coffre au trésor. Ton cœur offre sans regret ses recettes et tout son or. Notre vie une boîte à surprises, le temps s'effrite un peu trop. Tes mots sont mes friandises, ta présence est mon cadeau. Avec tes lunettes roses, tu chasses mes idées moroses. Papa, para papa, la joie en petite dose, avec tes lunettes roses, yeah. Papa, para papa, ton dans ma mire, tes lunettes me vont à ravir. Papa, para papa, papa, para papa. Tu chasses mes idées moroses. Papa, para papa, papa, para papa. Avec tes lunettes a changé dès que tu es entré dans ma vie. Tout a changé, tout en moi a été bouleversé. Désormais je connais ma raison de vie. Maintenant je et je vais de l'avant. belle énergie gospel francophone de la part de Mme Ferline Regis de la région de la Capitale-Nationale. Et tout a changé. Très, très bonne pièce. Donc, voilà pour ce qui est du bloc de l'Est Québec-Ontario qui nous amène comme ça, bien oui, au bloc instrumental. Et cette semaine, on a de la guitare, mais pas à peu près. Assez intéressant, merci. Trois différents styles de guitare, peut-être, mais quand même très, très bien fait. Pour ceux qui écoutent, qui écoutaient l'émission pour la première fois, j'aime mettre un petit bloc instrumental comme ça, parce que souvent, c'est des artistes qui passent dans l'oubli, qui passent, ils ont la misère à se faire entendre. Eh bien, moi, ça me fait plaisir de leur offrir un petit 15 minutes comme ça de musique instrumentale d'artistes franco-canadiens. On commence avec Sean Ferguson qui vient de lancer son album il y a quelques temps, je pense que c'était au mois de février qu'il avait lancé ça. L'album, ça s'appelle tout simplement « Résilience ». Et Sean Ferguson, c'est un virtuose de la guitare. Je ne suis pas certain s'il vient de Bouctouche ou de la péninsule acadienne, mais il vient du Nouveau-Brunswick, ça c'est sûr. Et on va écouter une pièce de son album qu'il vient de lancer. Ça s'appelle « Braise », très, très bonne pièce instrumentale. Vous allez voir un peu contemporain, musique contemporaine, avec des couleurs de flamingo peut-être un peu. Et puis, c'est vraiment très, très bien fait, très bien enregistré. Donc, j'adore ça. Et c'est un des albums que je vais commenter ce mois-ci, l'album « Résilience ». Par la suite, on va y aller avec « Bluesy Andalucci ». C'est la pièce-titre d'un album d'un bon copain à moi, Cervantes, de la région de la Capitale-Nationale, Gatineau plus précisément, mais on peut dire l'Outaouais. Et ça, c'est un album plus latino, des influences très samba, très sud de l'Amérique. Et c'est vraiment une très bonne pièce. Donc, « Bluesy Andalucci ». Donc, ça s'en vient aussi dans quelques instants. Et on va terminer notre bloc de musique instrumentale avec John McGill, natif, francophile, natif de North Bay, qui, sur son album solo bootleg, avait une pièce qui s'appelait « Cannonball Rag ». Thank you. Mm-hmm.